toujours les mêmes pour le coup. J'aurais pu dire de foutre la merde, hein, mais c'est hors de question. Ils voudraient qu'on permet même en hyperventilation, bah moi je garderai quand même, hein. Faut que je fasse une pause, car ma lucidité est partielle. Même si quand je lâche une prose, c'est de l'amour que je parsème. Ma vie n'est pas toute rose, je traîne souvent du côté pastel. Du coup mon rap c'est du blues, un peu comme Kusai au KSM. Yo, ben oui, je taffe. Hein? Tu nous as trouvé des drames un peu weird là.